au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca! Pour exister, il suffit de se laisser aller à être. Mais pour vivre, il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir un os. Ne pas avoir peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant. L'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des os. C'est qu'il n'y avait que de la terre et du bois d'os. Et il lui a fallu gagner sa viande. Il n'y avait que du fer et du feu, et pas de merde. Et l'homme a eu peur de perdre la merde. Ou plutôt, il a désiré la merde. Et pour cela, sacrifié le sang. Pour avoir de la merde, c'est-à-dire de la viande, là où il n'y avait que du sang et de la ferraille d'ossement, et où il n'y avait pas à gagner d'être, mais où... il n'y avait qu'à perdre la vie. Oresh modo, toi dire, Isa, tapari, tapari la coco. Là, l'homme s'est retiré et il a fui. Alors les bêtes l'ont mangé. Ce ne fut pas un viol. Il s'est prêté à l'obscène repas. Il y a trouvé du goût. Il a appris lui-même à faire la bête et à manger le rat délicatement. Et d'où vient cette abjection de saleté? De ce que le monde n'est pas encore constitué? Ou de ce que l'homme n'a qu'une petite idée du monde et qu'il veut éternellement la garder? Cela vient de ce que l'homme, un beau jour, a arrêté l'idée du monde. Deux routes s'offraient à lui, celle de l'infini dehors, celle de l'infime dedans. Et il a choisi l'infime dedans, là où il n'y a qu'à presser le rat, la langue, l'anus ou le gland. Et Dieu lui-même a pressé le mouvement. Dieu est-il un être? S'il en est un, c'est de la merde. S'il n'en est pas un, il n'est pas. Or, il n'est pas. Mais comme le vide qui avance avec toutes ses formes, dont la représentation la plus parfaite est la marche d'un groupe incalculable de morpions. Vous êtes fou, monsieur Artaud. Et la messe? Je renie le baptême et la messe. Il n'y a pas d'acte humain qui, sur le plan érotique, interne, soit plus pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-Christ sur les autels. On ne me croira pas, et je vois d'ici les haussements d'épaules du public, mais le nommé Christ n'est autre que celui qui, en face du morpion Dieu, a consenti à vivre sans corps, alors qu'une armée d'hommes, descendue d'une croix, où Dieu croyait l'avoir depuis longtemps cloué, s'est révolté et bardé de fer, de sang, de feu et d'ossements, avance, invectivant l'invisible, afin d'y finir le jugement de Dieu. placed in here. What better time than now? Où le rouge ne brûle pas, où le rouge ne brûle plus, où les herbes froides, où la brutalité du ciel, où l'écartement du chemin, où l'inconsolable nature, où l'absence du corps et d'un autre corps et d'un autre corps, où le rouge ne brûle plus, où le geste bousculé du vent, où la répétition d'un bruit, où la transformation d'un bruit, et l'image ne porte plus l'enfance, où l'entaille dans l'écorce, où les herbes froides, où la langue oubliée, où le rouge ne brûle plus, où la séparation de la lumière, où la voix enfermée dans une salle, puis dans une autre salle, puis dans une autre salle, puis dans une autre, où la nuit ici, où les bouts d'histoire du monde, où la terre calcinée, où hier le ciel, le jour, l'éclat du jour, où le silence, où la traînée du silence, l'entraînée du silence, où la preuve est claire, où la langue, la mesure de la langue, dans les creux, où le mur, et là, plaqué contre le mur, une trace blanche, ou pas une trace, pas une seule trace, pas une seule, ou une ligne arrachée à la voix, ou la frappe de la voix trébuchée, où le rouge ne brûle plus. Où le rouge ne brûle plus. Où le rouge ne brûle plus. Ne brûle plus. Ne brûle plus. she will love you like a fly and never love you again. She was so l'œilleton. Pointu, comme comprimés les maisons en enfilade offrent leur voile jaunie à la solitude des rues. Un œilleton d'espace moite, rayé de vols d'oiseaux noirs, comme autant de fils électriques posés là pour barrer le voyage. Rien qu'un creux dans la poitrine, tout tapissé de glaise et de briquettes rouges qui gluent aux pieds. Rien ne sert de marcher tant le ciel est grand et la pluie fine. Il y a dans l'air l'idée d'un canal d'eau noire pourrissante qui voudrait partir sans pouvoir. Une dalle attachée au vase de l'enfance et de l'attente. Tant de nuages filants pour dire l'étroitesse du monde perdue comme un point au milieu de nulle part, quand montent des odeurs de feuilles décomposées et de boue glissantes derrière les vitres embuées. Un univers crayeux d'absence. Là, tout est poreux, dilué, sans forme et sans fond. Des fantômes traversent la grisaille pour donner des nouvelles du vieux temps. Telle flèche, telle arche, tel écusson. Autant de nostalgie de ce qui est perdu. De ce qui ne fut jamais peut-être. Pays de splendeur imaginé ouvert aux rêves orientaux, ouvert à tout, abandonné. Une odeur de cimetière délaissée, les croix de guingois, plantes roussies et les pierres qui s'affaissent sur le côté. Un merle trille par-dessus. Et rien ne peut désoler davantage le cœur. Tout finit donc ainsi, depuis toujours, sans accroche. just love in my dreams. I heard the raindrops on my window. Sounds like they came just on my ear. Setting off smoke detectors, exotic guns collector, marijuana professor, GV some shit, my man, called God's vagina. Soon as he fired up, you never smelt nothing finer. Is that your hottest man? Send him over, I wanna meet him. What he said, I couldn't believe him. Had to grind brick to see him. Look, broke ass nigga still working for per diem. My nigga stay grinding from the AM to the PM. He caught the end of the barrel, yeah. Wouldn't wanna be him. Fucking with some gladiators in the Coliseum. How we doing this shit? Real shit. I'm colder than a billionaire's shoulders. You put stock in him, these slugs are shareholders. I'm working on my temper, don't tempt me, fool. I make them swine die from balconies and empty pools. My flavor ride for the faculty, empty tools. Super soak them till shit get cool from the heat. Oxymoron, vegetables from the beef. Try saying that slick shit without teeth. I do the shit the average motherfucker won't do. And say the shit the average MC can't fuck with. You stupid if you're thinking that that bitch won't chew with me. She get lucky with you, she gets stuck with. We playing with big budgets, spit muskets, hit harder than dick buckets. You sneak our restaurants, running out on your bill. While I'm really about to ante on that house on the hill. Ill. Quand le lièvre entendit parler de la mort, il regagna sa hutte en pleurant et en poussant des cris aigus. Mes oncles et mes tantes ne doivent pas mourir. Puis cette pensée lui vint. Toutes les choses sont destinées à mourir. Et il alla jeter ses pensées au fond d'un ravin, où elles roulèrent et s'écrasèrent. Il lança ses pensées contre des rochers, où elles se brisèrent. Il enfouit ses pensées dans les profondeurs de la terre, et toutes les créatures qui vivaient là s'immobilisèrent, les membres durcis par la mort. Il lança ses pensées en l'air, dans les cieux, et les oiseaux qui volaient par là churent aussitôt sur le sol, raides morts. Après être retourné dans sa hutte, il prit sa couverture, s'enveloppa dedans et s'allongea en pleurant. « La terre entière ne suffira pas à accueillir tous ceux qui vont mourir. Il n'y aura jamais assez de place pour eux. » Il gisait là dans son coin, drapé dans sa couverture et silencieux. San Francisco, 3 mai 1860, ton Eugène. Ma chère Marie, ne t'inquiète plus, le chirurgien m'a dit hier que la gangrène n'a pas pris, que la chance est avec moi. Certes, je perds une jambe, mais il me reste bien l'autre. Oh Marie, si tu savais, j'ai creusé le roc comme à main nue, entouré de misérables, de Polonais et aussi quelques Français. Oh Marie, nous autres les errants, les chercheurs d'or, si nous ne vivons qu'à part elle, la montagne nous dévore. Je suis vivant, si c'est chaud, je suis sauvé. Et si ça va, je suis vivant. Et si c'est bon, et si ça va, et si c'est chaud. Le tonnerre de la dynamite, des blocs de roches s'affaissent et dévalent le long des ravines. Oh Marie, à chaque seconde, l'avalanche me désire et me frôle. Ce matin-là, elle me prodigue ses plus douces caresses. Amoureusement, elle m'enlace, je suis son amant. Tout est bon, et si ça va, je suis vivant. Et si c'est chaud, je suis sauvé. Et si ça va, je suis vivant. Et si c'est bon, et si ça va, et si c'est chaud. Chère Marie, enfin, c'est l'heure du secret. Tu vois, sous mes draps, il y a ce petit sac en cuir noir. Oh Marie, ce qui illumine mes mains, c'est de la poussière d'or. Regarde comme je brille, regarde comme nous sommes riches. Et sens sur ton visage ce vent qui te lave et qui gonfle les voiles de ce vaisseau qui quitte la rive. Oh Marie, adieu la mort, adieu l'Amérique. Tout est bon, ici ça va, je suis vivant. Ici c'est chaud, je suis sauvé. Ici ça va, je suis vivant. Ici c'est bon, tout est bon. Ici c'est chaud, je suis sauvé. Ici ça va, je suis vivant. Ici c'est bon, je suis sauvé. Ici ça va, ici c'est bon. Ici c'est chaud, je suis sauvé. Lettre en hiver. Regarde. Regarde les branches nues des arbres que neige habille. Elles ressemblent au chemin enchevêtré que prend la parole ou l'écrire. Et cette neige, au poids du silence déposé sur toute chose. J'aime à penser que tu puisses percevoir ainsi le fer, à travers les phases festives et bourgeonnantes, la maturité d'un fruit, ou le glissement lent et la chute des feuillages, de longs endormissements rassemblant les sèves sous la terre. J'aime à penser que ton propre silence ressemble à cet arbre que je regarde, et que ta parole, ton écrire, le dire et le faire, soient autant les parts, fûts, branches maîtresses, branchettes, petits doigts de bois d'un arbre dans sa croissance déterminée comme dans son long dormir d'hiver, jusqu'à ce qu'un soleil à nouveau ardent les réchauffe. Je t'écris dans ce sommeil des sèves, sous les manteaux givrés du moment de parfaite blancheur, l'immobilité apparente, cadeau du ciel déposé par tous les toits, fenêtres, chemins, arbres emmitonnés, me sont plus précieux que tous les mots d'amour que les hommes laissent choir sur un front, une main, la bouche ou le sein, me sont plus chers que toutes offrandes, ces brefs instants où la lenteur prévaut enfin sur les êtres et les choses, lenteur où règne l'absence du désir. Je pense au livre de François Cheng. Je pense une mer blanche vivante et à ce qui figure exactement la congruence de ce que les uns nomment le vide et de ce qu'aucun nomme le plein, un point d'émergence que l'émergence seule connaît, comme l'arbre sait au printemps où poussera la nouvelle branche. Je ne sais pas dire ces choses qui me poussent. Je t'écris pour te dire que je ne sais pas me rendre jusqu'à toi. Have no fear, for when I'm alone, I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow who I was before. I cannot recall long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the ground. Inside me now, like a brand new friend, I'll forever know